Exode chapitre 12. Or l'Éternel avait parlé à Moïse, et à Aaron au pays d'Égypte, en disant, « Ce mois-ci vous sera le commencement des mois, il vous sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, en disant, qu'au dixième jour de ce mois, chacun d'eux prenne un petit d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, selon les familles des pères, un petit, dis-je, d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, par famille. Mais si la famille est moindre, qu'il ne faut pour manger un petit d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, qu'il prenne son voisin qui est près de sa maison, selon le nombre des personnes, vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Or le petit d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, sera centaure, et sera un mâle ayant un an, vous le prendrez d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux vêpres. Et ils prendront de son sang, et le mettront sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront, et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là, et ils la mangeront avec des pains sans levain, et avec des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête, ses jambes, et ses entrailles. Et n'en laissez rien de reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos souliers en vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour esse, igne sur les maisons dans lesquelles vous serez, car je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction parmi vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête solennelle à l'Éternel en vos âges, vous le célébrerez comme une fête solennelle, par ordonnance perpétuelle. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain, et dès le premier jour vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Au premier jour il y aura une sainte convocation, et il y aura de même au septième jour une sainte convocation, il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là, seulement on vous apprêtera à manger ce qu'il faudra pour chaque personne. Vous prendrez donc garde au pain sans levain, parce qu'en ce même jour j'aurai retiré vos bandes du pays d'Égypte, vous observerez donc ce jour-là en vos âges, par ordonnance perpétuelle. Au premier mois, le quatorzième jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au vingt et unième jour du mois, au soir. Il ne se trouvera point de levain dans vos maisons pendant sept jours, car quiconque mangera du pain levé, cette personne-là sera retranchée de rassemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger, que celui qui est né au pays. Vous ne mangerez point de pain levé, mais vous mangerez, dans tous les lieux où vous demeurerez, des pains sans levain. Moïse donc appela tous les anciens d'Israël, et leur dit, « Choisissez, et prenez un petit d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, selon vos familles, et égorgez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, et le tremperez dans le sang qui sera dans un bassin, et vous arroserez du sang qui sera dans le bassin, le linteau et les deux poteaux, et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison, jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau, et sur les deux poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra point que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et pour tes enfants. Quand donc vous serez entrés au pays que l'Éternel vous donnera, selon qu'il en a parlé, vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront, « Que vous signifie ce service ?» Alors vous répondrez, « C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel, qui passa en Égypte par-dessus, les maisons des enfants d'Israël, quand il frappa l'Égypte, et qu'il préserva nos maisons. » Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Ainsi les enfants d'Israël s'en allèrent, et firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse et à Aaron, ils le firent ainsi. Et il arriva qu'à minuit l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait être assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des bêtes. Et Pharaon se leva, de nuit, lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, parce qu'il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Il appela donc Moïse et Aaron de nuit, et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les enfants d'Israël, et vous en allez, servez l'Éternel, comme vous en avez parlé. Prenez aussi votre menu et gros bétail, selon que vous en avez parlé, et vous en allez, et bénissez-moi. » Et les Égyptiens forçaient le peuple, et se hâtaient de les faire sortir du pays, car ils disaient, « Nous sommes tous morts. » Le peuple donc prit sa pâte avant qu'elle fût levée, ayant leur mêlée avec leurs vêtements, sur leurs épaules. Or les enfants d'Israël avaient fait selon la parole de Moïse, et avaient demandé aux Égyptiens des vaisseaux d'argent et d'or, et des vêtements. Et l'Éternel avait fait trouver grâce au peuple auprès des Égyptiens, qui les leur avaient prêtés, de sorte qu'ils butinèrent les Égyptiens. Ainsi les enfants d'Israël, étant partis, de Ramézeh, vinrent à Sukkot, environ 600 000 hommes de pied, sans les petits enfants. Il s'en alla aussi avec eux un grand nombre de toutes sortes de gens, et du menu et du gros bétail, en fort grand troupeau. Or, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte, et qu'ils n'avaient pas pu tarder plus longtemps, et que même ils n'avaient fait aucune provision, ils cuisirent par gâteau, sans levain, la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car ils ne l'avaient point fait lever. Or la demeure que les enfants d'Israël avaient faite en Égypte, était de 430 ans. Il arriva donc, au bout de 430 ans, il arriva, dis-je, en ce propre jour-là, que toutes les bandes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est la nuit qui doit être soigneusement observée à l'honneur de l'Éternel, parce qu'alors il les retira du pays d'Égypte, cette même nuit-là est à observer à l'honneur de l'Éternel, par tous les enfants d'Israël, en leurs âges. L'Éternel dit aussi à Moïse et à Aaron, c'est ici l'ordonnance de la Pâque, aucun étranger n'en mangera, mais tout esclave qu'on aura acheté par argent, sera circoncis, et alors il en mangera. L'étranger et le mercenaire n'en mangeront point. On la mangera dans une même maison, et vous n'emporterez point de sa chair hors de la maison, et vous n'encaisserez point les os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Et si quelque étranger qui habite chez toi, veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme celui qui est né au pays, mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour celui qui est né au pays, et pour l'étranger qui habite parmi vous. Tous les enfants d'Israël firent, ainsi que l'Éternel avait commandé à Moïse et à Aaron, ils le firent ainsi. Il arriva donc en ce propre jour-là, que l'Éternel retira les enfants d'Israël du pays d'Égypte, selon leurs bandes.